Yvanville pour sa 36e édition. Ne manquez pas Bad Bad Not Good avec Ghostface Killa, où Rima Follet et Jazz Avant-Gardiste se rencontrent. Une soirée complètement déjantée avec le duo Shibo Mato, Milk and Bone et Foxtrot pour un programme double 100% montréalais et la musique intimiste, brute et douce de la formation Coco Méliès. Bien en vente maintenant au montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto Alca, en association avec La Presse Plus et CISM. Vous écoutez CISM 89,3 FM. We're all saved. Bonsoir, bonsoir. Non, ce n'est pas Gabriel, c'est Jean-François Lusignan, en remplacement de Gabriel, justement. On m'a demandé de remplacer pour une soirée seulement. Donc, émission Sous le radar, édition du 8 juin, en direct des studios de CISM. Et on avait débuté l'émission avec un petit bout des Vulgaires Machins, mais ce que je voulais vous faire entendre, c'était plutôt la formation post-punk irlandaise Girls' Names, la chanson Reticence, qui est le premier extrait d'un album qui s'en vient l'automne prochain. Donc, émission Sous le radar qui donne, dans l'indie rock, le punk, post-punk, psychédélique. On va tenter d'être dans la même mouvance ce soir. Ça va être un joyeux mélange de nouveautés, trucs qui sont parus dans les dernières semaines, derniers mois, et de vieilles affaires sur lesquelles je suis tombé en préparant l'émission de ce soir. Comme par exemple, on va commencer le prochain segment avec la musique de Gold Card, qui est le projet solo de monsieur Charlie Campbell, un monsieur qui est occupé avec un groupe psychédélique qui s'appelle Pound. Il a enregistré dans les années 90 un album qu'il avait laissé de côté. Finalement, les amis de Granddaddy et Cassie l'ont aidé à sortir cet album en 2003, album qui s'appelle Gold Card. Justement, on va entendre la chanson Rabbit. Ça sera suivi du deuxième volume de la compilation Family Portrait du label Art is Hard. Vous entendrez la formation Bruising avec la chanson Ripped. Mais on commence tout de suite avec la formation Gold Card et la chanson Rabbit. Long time ago, found a baby rabbit that the cat brought in. She chewed on it, hanging from her teeth, sucking punctures, stains the fur where it bleeds. Fit in my hand, its heart it beats so quickly under me. Light box with a blanket, put in lettuce, find a top for it. Couldn't set it down, not for a minute. Up and on the rope, nothing in it. Come on, never be afraid of cats and dogs and cars, 'cause we can build a shelter, a place to keep you warm. When you move out of your home, live inside my home. Come on, little buddy, I'll try to keep it straight. I know that choking is not affection. You only breathe again. Dogs and cars, 'cause we can build a shelter, a place to keep you warm. When you move out of your home, live inside my home. Come on, little buddy, I'll try and keep it straight. I know the choking's not affection, but only breathe again. Such plans, I put us there. It feels a dream. I take such care. If you had me slowly cooled in my hands, began to snow as the baby rabbit lay in the ground, like it never happened. Under the clothes. So cold. Oh, c'était les Anglais de Menace Beach avec Tennis Court, tiré de leur tout premier album Rat World, qui paraissait en janvier dernier. Dans le prochain segment qu'on va amorcer dans les prochaines secondes, vous allez entendre la musique de Lost Boy, la chanson Hemorrhage, de leur d'un album qui paraissait en mars, album qui s'appelle Canned. Mais on débute à l'instant avec une chanson qui, elle, sortait en 1996, She's Evil, de la formation Governor. Pour la petite histoire, le deuxième et troisième album du groupe est sorti sur Merge, un assez gros label quand même, mais leur tout premier album, lui, qui sortait en 93, je pense, est sorti sur Ecstatic Peace, qui est l'étiquette de Thurston Moore, Monsieur Sonic Youth, donc intéressant, ils sont passés du petit label à Merge par la suite, et formation qui, je crois, a cessé d'exister en 1999. Voilà. Donc, on commence à l'instant avec Governor, She's Evil, sur les ondes de CISM, l'émission Sous le radar. Every time you open your mouth, Cupid's get out. Every time you tilt your face, demons fall out like loose change. What do you do when you open your tilt your face, you let demons fall like loose chains. She's feeble. No. my deceased. Looking out down through the mist. Now I think I gave Venus a cyst. Here's the police. They are looking for all my deceased. Hey man, where's your disease? While you are smoking cigars. Yeah. êtes toujours à l'écoute de l'émission Sous le radar. Jean-François Lusignan avec vous jusqu'à 20h en remplacement de Gabriel pour cette semaine. Ce qui vient de jouer, c'était Erin Hates You de Bionic, le groupe local mené par Jonathan Cummings. Une chanson que j'ai retrouvée cette fin de semaine en retrouvant en fait une compilation, Syrup and Gasoline, qui était produite en 2001 par le label Gasoline Records de Montréal et qui présentait des groupes garage et indie rock canadiens et québécois en français et en anglais, surtout des groupes des années 90, et donc Bionic se trouvait sur cette deuxième compilation, ce deuxième volume, donc je le disais, sorti en 2001. Premier volume qui est un peu plus intéressant, deuxième volume sorti, je pense, 2 ans plus tard, mais les deux volumes valent la peine quand même. Bon, enfin, juste avant, c'était Lost Boy avec Omoreji de l'album Cannes qui est sorti plus tôt cette année, et ben c'est ça que j'ai à dire. Sinon, ben on poursuit avec d'autres musiques, cette fois-ci Say Hi to Your Mom, qui s'appelle maintenant seulement Say Hi, l'album Numbers and Mumbles, sorti en 2003. Mon album préféré du groupe. On écoute la chanson Hooplas Involving Circus Tricks de Say Hi to Your Mom sur CISM 89.3. So it's time to spread it out. It hurts, it ties up. Jasper, le premier extrait du premier album de Houghton Tennis Club, une recrue du label anglais Heavenly Recordings, qui a aussi dans ses rangs des groupes comme Toy et The Witches, donc excellente nouvelle formation anglaise. C'était précédé d'Eternal Summers, qui font dans la Dream Pop, la chanson Together or Alone, extraite de leur tout premier album, non tout nouvel album en fait, qui est sorti la semaine dernière sur Canin Records. On poursuit maintenant avec du... En français, oui, avec trois chansons francophones. On va débuter avec Maxime Gervais, la chanson Slacker. Monsieur Gervais va être en spectacle, si vous êtes intéressé, à le voir en spectacle le 19 juin prochain au Atomic Café sur Ontario. Et ce sera suivi de Dylan Municipal et ensuite on va finir ça avec Barasso. Tout ça sur les ondes de CISM à l'émission Sous le radar. Valleyfield qui a jamais lu la Bible, mais tous les ans je me tape un festival de karaté kid. Le gars qui vient végétarien que moi par année, tu sais que je serais tout le temps si je savais cuisiner. Nintendo, tape cassette, vieille télé pis du linge lettre. J'ai mes fantômes de fantex que ma mère m'a fait. J'suis aussi cool dans la vraie vie que je le suis sur internet. Et j'haïs les galas, j'haïs les galas, j'haïs les galas pis les tapis rouges. J'haïs les galas, j'haïs les galas, j'haïs les galas pis les tapis rouges. Je suis un slacker bébé, j'ai écrit cette tune-là en écoutant Clurse. Je suis un slacker, bébé, j'ai encore de l'espoir en Weezer. J'passe mes journées couchées dans mes couvertes, à rouler sur le café, pis ça 50 tablettes. Quand j'pogne la guette, il pousse une chansonnette, me demande si cette tune-là me ferait gagner les francs couverts. À la friterie du coin, j'm'achète deux belles chemises, fuck top comme un beau tricot peut éloigner les journées grises. J'connais rien à la mode, ça fait que j'm'en invente une. Je suis le big, le boss qui est de la rue Davidson. J'aime le punk rock, j'aime le punk rock, j'aime le punk rock, pis la science-fiction. J'aime le punk rock, j'aime le punk rock, j'aime le punk rock, pis la science-fiction. Je suis un slacker, bébé, je trippe sur Blade Runner, pis sur l'Undertaker. Je suis un slacker, bébé, si j'étais un monster truck, je serais le Grave Digger. De pénétrer mon âme comme des gourous vicieux. J'suis le genre qui verse une larme devant la mort de King Kong. Oh, puis j'en verse une autre quand j'pense à celle de Ryan Dunn. Je suis un slacker, baby. Dans les parties de Noël, j'suis jamais bien la mienne. Je suis un slacker, baby. À chaque Halloween, mon costume est pas chou. Pas content de te voir avec moi. Slacker, baby. Je suis un slacker, baby. Je suis un slacker, baby. Sauverait. Si Barrasso 70-21, le premier album de ce groupe, excellent groupe punk rock, qui avait fait paraître quand même une chanson, je crois que c'est l'année passée, l'autre d'avant, un petit teaser qui avait disparu par la suite. Et là, finalement, il nous arrive le 16 juin avec un premier album et un premier extrait excellent. Côté spectacle, ce sera du côté du Turbo House le 10 juillet que ça va se passer. Et avant Barrasso, c'était la musique de Dylan Municipal, Briquet Vengeance. On a temps pour une dernière chanson, ensuite on se reparle pour le mot de la fin. On y va avec la formation Geronimo, formation signée sur l'excellent label de New York et Exploding in Sound, la chanson Fires of Hell. Fires of Hell de Geronimo. Si vous avez aimé, ça se retrouve sur un album qu'il partage avec d'autres formations. Album Buzz Your Girlfriend 4 est disponible sur explodinginsoundrecords.bandcamp.com. Et ben c'est pas mal ce qui complète l'émission de ce soir. C'était un très très grand plaisir de remplacer Gabriel pour son émission Sous le radar. Je suis un très grand fan, alors écoutez-le la semaine prochaine. Sinon la liste complète des chansons qui ont joué ce soir sera disponible dans quelques instants sur le CISM893.ca. Sinon ben je vous invite à écouter une autre excellente émission. Nous sommes les rockers avec la charmante Romane Blouin dans quelques instants. Et ben sinon, on va se quitter avec la musique de Sonic Youth, une pièce instrumentale, la chanson Ken Song. Alors voilà, je m'appelle Jean-François Lusignan, ça fait un très grand plaisir d'être avec vous au courant de la dernière heure. On se reparle un de ces quatre. À la prochaine, ciao, bonne fin de soirée. Sur les ondes de la marche 89.3 tous les samedis de 17 à 18h, ça va brasser dans tes shorts. Bonjour, salut tout le monde, ici Jean Leloup à CISM, la radio que tu aimes. Tous les chemins mènent en enfer, et quand tu vois la porte en fer, trop tard pour te refaire, retour au concessionnaire. Pour être au courant de l'actualité musicale et connaître les dernières sorties de la semaine, écoutez le palmarès CISM dès 18h du lundi au vendredi. Nos animateurs vous présentent leur coup de cœur de la scène émergente. Le palmarès complet de CISM est disponible en tout temps au CISM893.ca et via notre application mobile. CISM, la référence musicale. Vivez un été électrisant avec les Francofolies de Montréal. Ne manquez pas la tournée des Franco avec Monogrenade, Baden Baden et Antoine Chance. Le folk irrévérencieux de Philippe Braque, accompagné d'un quatuor à cordes et d'un piano. Fauve pour une soirée de poésie engagée et de mélodies envoûtantes. Et le rappeur français Youssoufa. Billets en vente maintenant au francofolie.com. Une présentation de Bell en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse Plus et CISM. Yo! C'est So Called! Et vous êtes en train d'écouter CISM